Salut YouTube, c'est un épisode où on est complètement bourré. Donc c'est un épisode qui est beaucoup plus visuel qu'auditif. Il y a pas mal de blagues, même nos réactions et tout, c'est assez drôle. Donc allez le regarder sur YouTube en priorité, je pense que c'est beaucoup plus drôle. C'est l'épisode 30 du LBF. Voilà, donc c'est un épisode dans lequel on boit et on a bu. On répète bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. L'alcool, c'est un vrai problème, c'est une vraie addiction. Si vous avez besoin d'aide et si vous voulez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à contacter les Alcooliques Anonymes au 09 69 39 40 20. C'est un appel non surtaxé. 09 69 39 40 20. N'hésitez pas à les appeler. Bon épisode. D'ailleurs, j'ai ça va, ne m'écoute pas. Je ne t'écoute pas, je m'en bats les couilles. J'ai un cousin qui allez, disait... je vais manger. Bonjour, bonsoir. Ça, c'est vrai, bonjour. À tous, et on à tous, est là. Et à toutes. Oui, à et tous à et à toutes. À tous et à toutes. À toute personne, toute forme vivante, on lui dit bonjour. Peu importe le sexe, moi j'adore ça. Peu importe le sexe. Peu importe le genre. Le genre. Peu importe le mindset. Ouais. Peu importe la nationalité. Bonjour et bienvenue. Oui, et peu importe même si vous êtes né sur Terre ou sur une autre planète, on est avec vous. Imagine un jour, quand on aura colonisé Mars, quelqu'un regarde ce podcast. Depuis Mars, et se dit, c'est encore des terriens. Heureusement qu'ils sont bien, heureusement qu'ils sont crevés quand la planète Terre a explosé, ces gros cons. Je pense qu'ils se diront ça. Ils étaient nuls. Alors, aujourd'hui, on a un concept extrêmement spécial pour une fois. Oui, très spécial. Alors, pour une fois qu'on dit que quelque chose de spécial, là, c'est vraiment spécial puisque je n'arrive pas à faire de phrase. Oui, ça se voit, oui. Et ça c'est normal puisque ce podcast est sous le joug de la sobriété. Absolument c'est pas. C'est totalement justement. Faux. C'est la faux de ouf. C'est l'inverse. On est de ouf en fait. Bah ouais, exactement. Alors, on a déjà trop bu. Petit préambule, je mettrai un carton, bien évidemment, un carton un de carton. Texte. Un tu carton, veux dire, je te mets carton rouge. Qu'on reçoit carton quand, rouge pour la prise de parole inopinée, d'accord. Donc ça, je permets pas. Non, je mettrai un carton de texte au début de cet épisode en disant, bien évidemment, que l'alcool est à consommer avec modération. Là, on est dans une, j'allais dire une performance, parce qu'on est des, on est des artistes. Pour moi, c'est du théâtre en plus. Théâtre plus. Ils peuvent pas savoir si on a vraiment bu. Ça se trouve, on feint le fait d'avoir bu. Franchement, peut-être que la moitié de la bouteille de whisky siphonnée là atteste le contraire. On l'a bu ou pas, je sais pas. On ne sait pas. Voilà, vraiment, on l'a bu. Non, mais vraiment, voilà. Bien évidemment, même discours que l'épisode précédent et même discours qu'on a déjà fait plusieurs fois avant. Nous ne sommes pas vos parents, donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est exactement. Pas à nous de faire votre éducation. Cela dit, il est quand même bon de savoir que l'alcool et de rappeler aussi. De rappeler. Voilà, l'alcool est nocif, fait faire des choses absolument inadmissibles et très mauvaises, telles rappeler ou envoyer un message à son ex. Donc surtout, attention, ça c'est l'erreur. Hein. Ça c'est vraiment ça, c'est l'erreur du joueur de français. De débutant en plus. Bien hein. sûr, évidemment. Franchement, t'es bourré, t'es débutant, tu commences diras, à qu'est-ce tout... qu'on a à perdre. Non, mauvaise idée. Non, allez, non, reste non, tranquille. Pas, si ça c'est fini, c'est que n'envoie pas ce message qui dit « je t'ai toujours aimé ». Exactement, je t'aime encore, je de toi toutes non, les nuits. Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Ça n'arrangera rien du toutes tout. Les nuits, je pense à toi. Colonel Riel, arrête directement. Ah, heureusement qu'il a arrêté la musique d'ailleurs. Non, en vrai, je crois qu'il a pu se continuer récemment. Oui. Non, sérieusement, voilà, blague à part. L'alcool, c'est réellement dangereux pour la santé, vraiment. Ouais, outre le fait que ça crée désinhibe. Des addictions et ça désinhibe pour faire des choses dangereuses. Voilà, c'est ça fait prendre du poids en plus. Donc c'est pas cool. Qui a envie de prendre du poids juste pour faire des blagues? Moi, j'ai vraiment très envie de faire ça. On va le faire à chaque épisode. Non, vraiment, blague à part. Ouais. Évidemment, l'alcool, c'est dangereux pour la santé, donc. Buvez-en parce que ça fait plaisir. Les festivités, ça fait plaisir. Cela dit, ce n'est pas du tout obligatoire. Oui. Moi, j'ai même tendance à trouver que les personnes qui doivent boire absolument pour s'amuser sont d'une tristesse absolue, tu vois. Exactement. Voilà. On peut tout à fait s'amuser sans boire. On peut s'amuser sans boire. Là, on pousse le délire plus loin parce qu'on a envie de faire un épisode où il y a les barrières tombent un peu dans les vibes de Nouvel An, finalement. Exactement. Voilà. Parce que c'est bientôt épisode. Nouvel An. C'est un épisode spécial Nouvel An. Voilà. Voilà, ça sort le 30 décembre. T'es sûr de ça? Celui-ci sort le 30 décembre, sûr et certain. Ok, ok. 30 décembre, bah parfait. Voilà. Donc demain, on c'est Nouvel An. Timing parfait. On est on point. On point. Et aware. Aware de la situation. Exactement. 30 décembre, qui dit 30 décembre, donc du coup. Du coup, Nouvel An. demain, voilà, le 31 décembre. Et alors déjà, symboliquement, c'est quelque chose d'assez fort puisqu'on quitte une décennie. On n'est plus dans les 2012, 2016, les 2000, mais quoi là. On est sur du 2020. 2020, c'est faux. C'est beau. Alors c'est vrai et alors, c'est beau, mais oui. c'est pas faux du tout. C'est pas le bon mot par contre. Donc effectivement, je suis curieux de voir ce que cette nouvelle décennie va nous apporter, comme bonne et comme mauvaise chose, puisque bien sûr la vie est une balance, hein, constante, une balance. Telle par exemple celle qui est au Basic Fit pour savoir si t'as pris du poids, pris du muscle, etc. Exactement, bien sûr. Ça, c'est une balance. La vie est une balance qui te permet de savoir le pourcentage de masse graisseuse de ton corps, c'est ça? Exactement. Ça, c'est faux par contre. Ça, c'est complètement faux. C'est vraiment non, la non, pire. Par contre, ouais, on avait préparé. Non, on n'avait rien préparé. On n'a rien préparé du Est-ce tout. Est-ce qu'on avait dit quoi que... Non, on avait juste dit qu'on je allait parler plus. De nous, Nouvel An. De nous, Nouvel An. 90. C'est quand même bizarre, mais c'est beaucoup plus logique que 90. C'est vrai, 90, 4, 20, 10. Qui a fait les chiffres Pourquoi français? Pourquoi vous avez fait c'est ça? C'est incroyable, incroyable. Parce qu'en plus, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, et là 17. C'est-à-dire qu'on repasse sur 10 plus un chiffre d'avant, tu vois. On oui. pouvait pas inventer, non. Incroyable. Pourquoi avoir fait ça? On aurait été sur 91, 92, ça aurait été parfait. Parfait, bisous à nos amis belges, bien sûr. Oui. Qui sont des crèmes, les Belges sont des crèmes. Franchement, ils ont rien inventé du tout, mais par contre, ça, ils l'ont, quoi. On va pas se mettre que des Belges dans notre poche. Bon, et... C'est ouais. Ce rire provient d'une personne qui doit se resservir. Un peu je pense que le voilà, on vous a prévenu. De... On vous alors a prévenu. C'est pas de l'alcool brandé, hein, c'est du... du. Je crois que c'est du Jacques. Du Jacques Daniel. Vraiment Jacques Daniel quoi. T'as rajouté un E et tu t'es dit bon ça fait la ça passe. Pas du pas tout. Du tout. Du tout, du tout. Je, voilà, bref. Non, voilà. On est sur du Jacques Da. En fait, on fait cet épisode et parce que vous avez été beaucoup, depuis longtemps, à nous le demander. On s'est toujours un peu demandé, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il faut vraiment le faire, etc. En vrai, on s'en fout. Voilà, la bonne franquette, ça a toujours C'était été... C'était pas une bonne idée. Ça a toujours été l'authenticité et la simplicité. On a toujours fait... on a toujours invité des personnes qui nous tenaient à cœur et qui sont des vrais amis et pas juste des gens... où on s'est dit, ah, oh, ça pourrait être sympa de faire avec ça. Non, on s'est fait, tu peux faire plus de bruit encore. Quoique, en vrai, je pense qu'on t'a pas on t'a entendu. Mais bref. Si, je pense qu'en vrai. On t'entend tout le temps et ça. Ça, non, ça se verra j'ai pas à la caméra. Senti, mais vraiment, j'ai servi ça, mon verre. Le verre n'est de pas. De manière à côté, voilà, quoi. C'est ça, exactement. Il n'était pas, c'est pas le 10 bon cm plus long. Tu t'es dit, bon, si je le verse à 10 cm, ça va le téléporter dans le verre. Non, c'est faux. C'est faux. On n'est pas dans Star Wars. Star Wars qui n'a plus aucune limite en termes de. Bon, allez, de. De voilà, n'en parlons pas. Ne le regardez pas, le dernier. Voilà, ça ne servira à rien. Star Wars 9 et finalement toute la dernière trilogie, elle n'existe pas. Non, je suis pas d'accord. La dernière trilogie n'existe pas. T'as bien aimé le 8, juste le 8. Et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, mais dans une continuité telle que le 7, parce qu'en fait, le 8, tu peux pas le prendre à part, exactement, puisque ça fait partie d'une continuité. C'est vrai. Tu vois, bon, à part. 8, comme les huîtres d'ailleurs, non. voilà, tout simplement, c'est une mauvaise trilogie, c'était une mauvaise idée, ça a été fait pour de mauvaises intentions, donc surtout, ne regardez pas et ne donnez pas votre argent à cette dernière trilogie. Pourtant, Star Wars, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Mais cette dernière trilogie est vraiment terriblement nulle. Pas bien. Pas bien du tout. Oui, donc, nous parlions de quoi déjà? Il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. Il est 19h30, à l'heure actuelle, 19h24. Voilà. Mais on est sur du 10 minutes. Voilà, donc on est bien. Vas-y, je t'en prie. Que alors, nous proposes-tu comme sujet? On voulait parler des fêtes de Nouvel An, en ça général. Vrai, puisque ce qui arrive souvent, on va pas se mentir, à Nouvel An, c'est que on en profite un petit peu, voilà, pour se désinhiber, finalement, pour exactement. Boire un petit peu. Petite occasion de... Pour boire un petit peu. Après, j'ai l'impression qu'on trouve souvent des prétextes pour boire. N'est-ce pas le fin mot de la France, finalement. De cette histoire et de la France. Alors, je veux dire que tous les Français sont des pochetrons. C'est exactement ça. On a des vins de qualité, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Franchement, il y a quand même 50%, non, 99% des Français qui se disent « Bon, cette occasion est parfaite pour boire. » Là, par exemple, j'ai fait des courses, ça mérite un petit verre de vin. Exactement. Et c'est de la même que vient le procédé de la tradition de dire santé à quelque chose, santé au fait que, et là il faut absolument trouver quelque chose. Souvent on n'a pas de chose pour laquelle il faut fêter. Attends, t'es en train de rapper là. Tu t'arrêtes tu débites. Je débite de fou. Bien là le refrain, on attend le refrain qui est. Je débite de fou. C'est nul à chier. Merci mec. Non, on trouve souvent des prétextes pour boire, finalement. Quand on dit santé pourquoi ? Santé pour... avant, il est allé aux toilettes. Santé ! Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. La France n'est pas un PMU non plus. Je peux pas te laisser dire ça de manière impunie. Et hanté, bien sûr. Par contre, j'ai... oui, bon. Santé, d'ailleurs. Et pas des pieds, hein, mon pote. Hein. Ça, c'est gratuit, hein. Non, j'en ai renversé énormément. Tu t'es sep dessus là. Je sais pas si ça se verra. J'espère que non. Peut-être ma crédibilité s'il vous plaît, non. Non, plus sérieusement, voilà, c'est un épisode que vous avez été nombreux à demander depuis très longtemps et on s'est dit, bon, quelle meilleure occasion que se laisser aller pour un épisode de Nouvel An. Bon, après cela dit, ça c'est un épisode qui est réalisé par des professionnels. On peut appeler ça une cascade. Il y a une équipe derrière, hein. Ah, les gars, ça va ou quoi, les gars? Ouais, j'adore Marco. Regarde, avec le café, il a toujours excellent. Je t'aime, il Marco. Est toujours là avec son café derrière la caméra. Mais Marco, Marco, non, mais voilà, effectivement, nouvel an. Moi j'ai longtemps fait Nouvel An tout seul. Alors, pour quelle raison? Car je n'aime pas les gens. Est-ce que c'est parce qu'on t'invitait, mais t'étais là, je sais pas. Et non. Du coup, tu restais chez toi? Non, sans plus. C'est juste que, voilà. T'organisais rien. Je prenais pas d'initiative. Ouais. Les potes que j'avais au collège n'étaient pas forcément de gros fêtards. Et puis moi, même personnellement, ça me plaisait pas trop d'être complètement rabat le temps de quelques heures, histoire de dire. Et demain, je suis un nouvel homme. Non. Bah. De le temps de dire, ce sera mémorable. Sauf que le lendemain, dans cet état-là, t'as oublié, forcément. Exactement. C'est fou quand même de commencer le premier jour de l'année dans la pire condition possible. C'est-à-dire, c'est le début. C'est comme si, imagine, tu es Usain Bolt. Hein. Ouais. Le départ est lancé. Et tu t'arrêtes et tu fais avant de continuer à courir, tu vois. Bon, l'exemple est mauvais. Oui. Mais t'as compris, l'idée est là. L'idée est là. Les idées, très peu. Là, je suis dans un univers parallèle, hein, vraiment. Non, je suis bien halas par l'alcool. En fait, c'est ce qui est assez dingue en cette période de Nouvel An, c'est que on a beaucoup de. Comment dire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire beaucoup de choses. C'est vrai. Et donc on a pas mal de portes d'entrée vers des soirées et on ne sait pas forcément vers laquelle se diriger. Machin et tout. Est-ce qu'on prend la première qui est venue, genre celle qui date de août, genre quelqu'un qui a. Il y a des gens en février. On le fait ensemble. Hein. Ouais, voilà, il y a des gens en février qui disent là c'est sûr Nouvel An. Nouvel An, ils ont déjà leur plan et tout. C'est incroyable. Le 3 janvier de la nouvelle année, ils disent le prochain Nouvel An. On fait encore mieux. Tu vois. Les gens, ils sont au taquet. Vraiment, moi, je suis plus de la team. Bon, le 27 décembre, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a toujours rien choisi. Non, effectivement. Personnellement, je suis encore actuellement dans un mood en mode Nouvel An, à quoi bon ? On va tous mourir un jour, la vie est triste, donc. C'est extrêmement horrible ce que tu dis. Et ça me rappelle que tu as l'alcool triste, mon ami. J'ai de l'alcool dans mon verre et ça je le note. Non, mais ce qui est dingue quand même, c'est que je rajoute des Super Bowl à chaque fois. Des genre, Super Bowl, j'adore Dragon Ball moi personnellement. D'ailleurs, j'ai une photo de toi à Tokyo avec. Oh, allez, en parlant de Tokyo, je voulais le faire pour la fin de l'épisode, mais on va le faire maintenant. Non. Je t'ai préparé une petite surprise, oh mon ami. En parlant de Tokyo. Pour parler de la surprise. Ouais. Parle français déjà, ok ça. Tu me parles français. J'écoute, je parle. Tu me parles français. Tu descends, dans l'état direct. Tu te calmes. Parfaitement. Ça, plus jamais français, tu parles comme d'accord ça. D'accord. Tu ne comprends pas ce que je dis. Non. C'est parce que tu es sous. Non, je t'écoute moi, pas. C'est je ça. Je parle parfaitement bien. Oui. J'ai une diction parfaite. Tu es ridicule. En fait, il m'a dit en arrivant chez moi, est-ce que tu as quelque chose pour allumer, tel un briquet ou des allumettes ? Il est là. Voilà. Et il m'a dit, qui est mort, sors de cette pièce et c'est tout. En fait, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, voilà, si tu me laisses finir ce que j'étais en train de faire, oui. Peut-être qu'on pourra conclure. Bon, moi je vais boire. Donc, effectivement, mon ami, mon très cher ami, mon meilleur ami, mon frère même, alors ça ne m'arrange pas du tout le fait que ça ait bougé. Je suis hors cadre actuellement, hein. Attention. Mais tu te rappelles. Par rapport au son, on dirait de la nourriture et j'adore alors, ça. Effectivement, attends, tu dois deviner. Est-ce que c'est des Kit Kat? Oui, mais tu as vu. Non. Si, tu as vu. Non. Quel enfoiré. Il a vu, bien sûr que si, il a vu. En même temps, est-ce que je pouvais feindre autre chose? Est-ce que là, j'aurais pu mentir? Genre, et alors, c'est... On dirait de... C'est une veste en cuir, non? Non, voilà, plus sérieusement, voilà. Effectivement, ce sont des Kit Kat au matcha. Je ne peux pas vous le présenter. Des Kit Kat au matcha. Là, là, là, là. Qui, normalement, sont uniquement trouvables au Japon. Au Japon. Car, on le rappelle, nous sommes allés à Tokyo. On en trouve en France, c'est quand même une espèce assez rare, on va pas se mentir. C'est vrai. Et du coup, j'ai acheté des petites bougies fontaines, conneries étincelantes, je sais pas quoi là, ça m'a coûté un bras. Mais en tout cas, on est là. Ça, j'ai dépensé sans compter. En général, quand on aime quelqu'un, on dit pas ça m'a coûté un bras. Non, mais c'est, en fait, c'est pas par rapport à ça, c'est que je trouve ça inadmissible qu'un truc comme ça soit aussi cher. Mais... c'est bon, vrai. Bref. Ça m'a coûté combien? Je peux pas te le dire. Ok. Je... Sinon, tu seras obligé de me tuer. Ouais, exactement. Bon, alors écoute, j'arrive pas à allumer celle-là, donc tu la tiens dans la main. Attention, le manche hein, seulement. Car, alors, pourquoi des Kit Kat goût matcha? Ils sont excellents d'ailleurs. Par contre, si c'est bien ceux que j'ai déjà goûtés en France, ils sont moins bons que les mêmes au Japon. C'est-à-dire que les Kit Kat goût matcha au Japon, je trouve qu'ils sont plus concentrés et meilleurs. Voilà. Donc, ah pourquoi, ouais, okay. Comment, je ne sais pas. Mais voilà. Donc. Attention, hein. Là on part sur. Bah, quelque chose qui ne marche pas apparemment. Ah, ah voilà, ok. Bonne année à tous, bien sûr. On est sur du plaisir. Attention tout de même. Oui, au matériel. Tu es un malade. Le matériel. Le matériel. petite référence à Jérôme Niel, qu'on adore. Dans le Floodcast, voilà. Franchement, donc effectivement, c'est hyper beau et c'est encore plus beau quand on a bu. Hein. C'est hypnotisant. T'as vu, là, on a envie de moi, ne rien dire. En mode, waouh, ouais. la vie quand même, le cadeau de la vie. Qui, si vous un jour vous vous sentez malheureux comme moi de manière quotidienne, pensez juste à la probabilité que vous avez d'être en vie. C'est-à-dire le fait que vos parents se soient rencontrés et survécu pour pouvoir vous engendrer, leurs parents à eux, imaginez juste la chance que vous avez de vivre et par contre la malchance qui est que ça soit extrêmement rapide. Finalement. Franchement, j'écoutais pas, c'était tellement beau. Mais voilà, ouh, ça sent le soufre, hein. J'en connais un, hashtag Carlito, qui serait profondément épris de priapisme. De priapisme. C'est une érection incontrôlée. C'est vrai et infinie. C'est un vrai mot. C'est une maladie en fait, le priapisme. C'est des érections incontrôlées qui sont ah ouais, tel du Viagra quoi. Patate, voilà, le priapisme. Okay. Waouh. J'en souffre hein, quotidiennement bien sûr. Mesdames, si vous voulez aider la science dans ce domaine, n'hésitez pas à venir vers moi. Non mais voilà, putain, par contre, en vrai, c'est chum de ouf. Une fois que une ça a fois, volé, ouais, bah, c'est vraiment pas bon. On dirait un papy fripé quoi. Ouais. Si ton papy ressemble à ça, je pense qu'il est mort, il est temps d'enterrer quand même. Alors maintenant, je vais te demander d'allumer la mienne. Ok, ouais, je vais faire ça tout de voilà. suite. Voilà. Alors pourquoi le Kit Kat au matcha? Non, mais par contre, je la garde quand même, comme ça chacun aura fait son truc. Car nous sommes partis au Japon en juin, qui était, je pense, mon plus gros rêve d'enfance, et partir avec mon meilleur ami, quelqu'un que j'affectionne comme mon frère, que je n'ai pas de frère, là, je suis fils unique. Ça m'a touché énormément, surtout que j'ai fêté c'est mon anniversaire bon. Là-bas. Donc voilà, c'est encore histoire de dire, franchement, c'était grave cool le Japon. C'était énorme. Et voilà, c'est juste histoire de fêter. Je te propose qu'on prenne une petite barre tranquillement. Hop là, attention, hein. Une petite barre de Kit Kat histoire de se délecter de ce fameux goût matcha. Ouais, je vais les ouvrir pendant que tu as ton petit. J'adore. Je suis Harry Potter. Attends. Wingardium Leviosa. On y croit ou pas? Peu, hein. Ça c'est. Franchement, pas du tout. c'est bien ce que je pensais. Alors par contre, il y a écrit que c'est ultra chaud même une fois que ça a brûlé. Donc posons-les à l'écart. Histoire d'être un minimum responsable tout de même. C'est pas parce qu'on est alcoolisé qu'il faut faire n'importe quoi. On le rappelle, hein. Comme dirait Nekfeu, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes une fois qu'on a la tête dans les toilettes. Je crois que c'est ça. C'est approximativement la phrase. Je suis désolé, là je ne suis vraiment pas en capacité de réfléchir. En tout cas, santé mon pote. À la tienne mon pote. Et au Japon. Et au Japon. Un excellent pays. Franchement, moi, ça me rappelle un peu... Les misophones qui nous écoutent, là, adorent ça. Bienvenue dans Kit Kat au Matcha Podcast. ASMR, plutôt. Il est bon. C'est vrai que c'est un goût différent de ceux du Japon. Il a l'air moins concentré, t'as vu? C'est bizarre. Ouais. Ceux du Japon étaient plus... plus forts, hein. C'est fou. En tout cas, voilà. Si vous avez... Moi, je sais que cette année 2020, 100%, je repars au Japon, c'est sûr et certain. Si vous avez la chance d'y aller... Allez-y, vraiment. Ne reculez pas devant cette formidable expérience. Le Japon, c'est vraiment... j'ai fait pas mal de pays dans ma vie. Alors bon, moi, je suis un peu ce qu'on appelle un weeb, un otaku. C'est-à-dire que j'adore la culture japonaise, que ce soit les mangas, les animés, l'esthétisme même japonais. L'art japonais en soi est quelque chose d'assez unique. Non, ce qui est vraiment l'architecture. Fou, c'est que c'est par rapport aux pays occidentaux... Par exemple, l'idée qu'on se fait de l'Amérique, alors j'étais pas encore en Amérique, mais c'est vraiment. Ça ne saurait tarder, puisque je rappelle qu'on va à Toronto, on va sûrement à Toronto en mars. Ouais. Voilà, on spoil. Hein. Voilà. On va à Toronto en mars. Toronto. On va voir ce que c'est. Ce que c'est la mentalité américaine. On va la voir, belle vie. On va voir ce que c'est la mentalité canadienne, finalement. Exact. Est-ce qu'ils sont aussi gentils qu'ils le paraissent? C'est sûr et certain. C'est sûr. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Voilà, en tout cas, le voyage, chose que j'ai envie de continuer. Faisons peut-être un bilan de notre année 2019. Qu'est-ce que t'en penses? Les anecdotes qu'on a eues. Parce que moi, honnêtement, pour rebondir sur ce que tu disais avant, j'ai vraiment très peu d'anecdotes de Nouvel An. Ça fait très peu d'années que je le fête vraiment en grande pompe avec des gens. D'habitude, j'étais toujours tout seul ou alors avec ma mère, tu vois. Moi, peut-être la seule anecdote balance. Que j'ai, balance. C'est que je me resserre quand j'avance. On était... je te comprends, maintenant, c'est vraiment très bon. Merci d'ailleurs. Merci Mais beaucoup avec pour cette surprise. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hein. des Kit Kat au matcha, moi, j'adore ça. Bien sûr. Non, la seule anecdote que j'ai, c'est que j'étais parti à Vittel une fois avec mes parents et mes cousines et mon parrain à Nouvel An. C'est fluide comme programme. C'est fluide vraiment ou c'est une blague? Non, c'est fluide, parce que tu pars à Vittel en fait. Ah. Tu sais, normalement, c'est une blague claire comme de l'eau de roche, quoi. Ah oui. Enfin, voilà quoi. Mais en tout cas, on était parti dans un hôtel à Vittel. Pour Nouvel An et d'ailleurs l'eau vendue à Vittel n'était que de la Vittel. Bah, c'est assez étonnant. Hein, ce qui est étonnant. Et qui fait ça? Genre vraiment. Quelqu'un dessus peut-être. Je sais pas, peut-être arrêter du jeu en fait. Je suis comme ça, je fais des t'es, sons. T'es une crème, on t'adore. Quand je rigole, voilà, c'est normal. Et j'ai refait. Mais putain, Bon, écoutez, je bois. Moi, je pense abandonne. Là, c'est tout ce qui te reste à faire. Non, mais donc, t'es parti à Vittel avec tes parents. Je suis parti à Vittel avec mes parents, mes cousins. Qui sont des MVP, on le rappelle. Hein. Mon parrain, des MVP. Et en fait, ce qui était vraiment ouf, c'est que... Mais je dis ça à chaque fois, à chaque début d'année. Ça y est, les mots ne viennent plus. Je dis n'importe quoi. On s'y attendait. Hein. Je dis ça à chaque début d'anecdote, mais c'était vraiment dingue. Parce qu'on était dans On était dans un hôtel. Franchement, continue, malgré la pression et les obstacles sur ton chemin, continue, trace ta route. J'essaye. Go on. On était dans un hôtel et avec mes cousines, on faisait un cache-cache dans tout l'hôtel. Shining directement. Et c'était excellent. Vraiment l'un des meilleurs souvenirs que j'ai. on était là. Dans un hôtel qu'on ne connaissait pas finalement, et on faisait un cache-cache énorme dans un hôtel. C'est fou. Ça doit vraiment être marrant. Quand on fait un cache-cache, en général, on le fait dans une maison et voilà, on sait à peu près les spots, tu vois. Là, on n'avait aucune idée. Mais du coup, avec mes cousines, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était un cache-cache dans le noir. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais c'est vraiment très drôle. Quand t'es enfant, en tout cas. Parce que, le principe qu'on avait établi, c'était qu'on se cachait dans une pièce et juste on éteignait la lumière et la personne qui devait nous trouver devait chercher en étant aveugle quasiment, puisqu'elle elle devait juste référer au son. Donc, il fallait être assez fort pour ne pas avoir envie de rire. Et faire de bruit quand on était juste caché. Et il fallait être assez fort pour se repérer par rapport au son quand on était le chercheur, finalement. Donc franchement, c'était cool. Si vous êtes un enfant de moins de 10 ans, je vous conseille de faire ça. Tu veux dire, faire un cache-cache, pas boire hein, comme ça, histoire non. d'être marrant. Alors non, pas du tout. Ne buvez pas, les enfants. Bien sûr. De toute façon, il y a la législation qui est là pour ça. Pas d'alcool avant 18 ans, attention. Hein. Attention. Et je dis pas ça pour mon grand-père qui me proposait des verres de vin quand j'avais 17 ans. Hein. Moi. Mais tous les grands-pères, ils sont un peu comme ça, tu sais. Oui. T'es à table en dîner de famille et ils disent allez, goûte un peu là, histoire de voir. Et ça fait, voilà, c'est des épicuriens, ils en ont vu d'autres. Donc quand je parlais à mon grand-père, je lui disais que je détestais le vin et il me disait tu verras. Dans quelques années, tu t'adoreras ça et tu reviendras vers moi. Tu diras, c'est vrai. Et il avait raison. C'est vrai. Il avait pas faux, finalement. Le vin, c'est quand même incroyable. Comme ça, c'est assez moyen, tu vois. Oui. Sauf les très bons vins. Voilà. Mais par contre, en combo avec du fromage, par exemple. En combo. Vin rouge, fromage. Quand on combine bien. Quand on a un mariage plat vin de saveur, un mariage de saveur directement. Oh là là, quel plaisir. Franchement, ouais. C'est incroyable quand même. Il y a un des trucs qui m'extasie encore le plus à l'heure actuelle, c'est vraiment la gastronomie. Pas forcément française, tu vois, mais toutes ces recettes qu'on a inventées, tous ces combos, toutes ces... Oh, moi, ça me régale. Exactement. Et c'est vous parce que je serais pas du genre à me dire vas-y, je vais essayer de faire de marier ça avec ça. Mais quand on me le propose, quand on a un concept et qu'on me dit vas-y, essaie, goûte ça et vois si ça te ce que ça te procure. Je suis friand de ça. Moi, bien ça. Sûr. Mais par exemple, même des choses aussi simples qu'une calzone, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les gars ont inventé une pizza. Ok, bénef, là déjà on est sur une très bonne idée. Oui. Mais en plus, ils se sont dit, bon, on va la faire en chaussons, les gars. Oh. Alors. L'assistance à ce moment-là fait. C'est pas vrai. Et là aussi, c'est encore très bon. Voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de plats qui ont été aussi créés par erreur, puisque la création se nourrit de l'erreur, bien évidemment. C'est vrai, des tests, en fait. Bien sûr, évidemment. On essaye. On combien de découvertes scientifiques ont été faites par erreur. Voilà, exactement, en mode. Attends, mais c'est incroyable. Genre un gars qui s'est levé le matin, il s'est dit, bon, allez, je vais tenter ça, machin. Et le gars a révolutionné le monde. Genre. Non, j'ai pas d'exemple, car je n'arrive pas à réfléchir. Mais pour la gastronomie, c'est bon, ouais. On s'est compris. Non, mais voilà, effectivement, le vin et le café. Alors, pour ma part, parce que toi, tu détestes toujours ça, car tu es un adolescent, non, on t'appelle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste que le café, c'est dégoûtant. Voilà. Non, c'est pas vrai. Quand on le compare à un chocolat chaud. Quand on le compare à un chocolat chaud. Oui, donc t'as 8 ans, en fait. Non, je suis d'accord, le chocolat chaud, c'est très bon. Mais l'arôme du café, en fait, il y a tellement de sortes de cafés différents. Je te sens imperméable à mon discours, mais quelque part va te faire foutre en fait. Moi, les balles qu'on me lance là, qu'on me tire dessus, j'abandonne. Et essaye de t'écouter là, j'abandonne. C'est un lac avec des enfants qui essayent de faire des ricochets. C'est n'importe quoi. C'est la pire analogie possible, c'est la pire. Allez, je bois. Non, mais voilà, effectivement, ça fait partie de quand tu deviens adulte, tu commences à aimer des choses comme ça, tu vois, comme le chocolat noir. C'est vrai. Je détestais ça avant. Maintenant, ça va. Je me demande est-ce que c'est placebo dans le sens où tu te dis putain, en tant qu'adulte, machin, ou alors est-ce que vraiment. Non, moi, c'est plus dans le côté. C'est plus sain que du chocolat au lait ou chocolat blanc. Parce que sérieux, chocolat tu blanc. Là-dessus ouais. Ouais, chocolat blanc, c'est full bullshit. C'est vraiment. Bien sûr. Non, le chocolat au lait, c'est pire. Le chocolat au lait, c'est pire. Le chocolat blanc, c'est pire que mec, tout. Mec, le chocolat au lait. Il y a quand même du cacao dans le chocolat au lait. Du cacao au lait. Il y a quand même du chocolat au lait. Non, il y a quand même du cacao dans le chocolat au lait. Moi, je ne t'écoute pas. On peut pas avoir une discussion sérieuse avec toi. Il y a quand même du cacao dans le chocolat au lait. Il y a que du cacao dans le chocolat au lait. Alors que le chocolat blanc, c'est vraiment que du sucre. Oui, bah c'est exactement ce que je dis en fait. Le chocolat blanc, c'est pire. Non, le chocolat. Mec, tu viens de dire ça. Je me suis trompé alors. Excusez-moi. Bah, je ne t'excuse pas. Je ne t'excuse pas d'ailleurs. Non, le chocolat blanc, il y a que du sucre. D'ailleurs, j'ai un. Bon, ça ne m'écoute pas. Je ne t'écoute pas, je m'en bats les couilles. J'ai un cousin qui allez, disait. Je vais manger des c'est tout ce que tu mérites. Dans mon seum là. mange ton Kit Kat. Mais le excuse là que je viens de dire. Mange tes morts. J'avais un cousin qui disait, d'ailleurs, gros bisous à Victor s'il écoute ça. Mais quand il était petit, il disait toujours explosion, tu vois. Il disait pas X quelque chose. Quand il y avait un X, il prononçait ça S. Et c'était trop marrant. Non pas qu'on se moque de lui, mais c'est marrant cette appropriation qu'on a sur certains mots, tu vois, ou sur certaines sonorités de mots, tu vois ce que je veux dire. J'ai la même chose avec des personnes qui disaient quand elles étaient petites, attention, attention. Tu vois, attention. Vraiment en disant très vite attention, tu disais attention, attention. Bah, les plus mauvais élèves, les plus mauvais lièvres d'ailleurs. Les lièvres. Les plus mauvais livres, bah c'est ceux de Musso. Hein, non. Les plus mauvais élèves dans ce cas-là, ce sont vraiment les enfants en bas âge, parce qu'ils n'ont aucun respect pour toute forme de sonorité. Quentin, ça devient Tintin. Est-ce que je suis un personnage de BD roux avec une houppette. Déjà une houppette. Et un chien qui s'appelle Milou. L'Archuma, Milou. Il est Milou, mi-quoi, en fait. Bah, mi-chien. Milou, mi-chien. Bon, bah, pour le coup, ça tient la route, du coup. Mais... C'est normal. Mais voilà. Je sais plus de quoi en parler. Avant de... On a beaucoup digressé. Hein, moi, j'ai parlé des cache-cache, tout ça. On parlait des fêtes de Nouvel An en général. Et d'ailleurs, un sujet qui me vient à l'idée... Oui, bien sûr. C'est, en général, les soirées... Les soirées là. Ces soirées là, dans lesquelles on est un peu sous finalement. Parce que là, qu'est-ce qu'on est ? On est un peu sous. Peut-être. Non, là, on est bien. On est bien. On outrepasse les limites et l'inhibition du cerveau pour proposer un format volontairement décalé et légèrement abusif à notre audience. Ça fait plaisir, tu vois. L'alcool est assez intéressant. Je trouve que c'est assez révélateur, mais en même temps, la personne que tu es quand t'es alcoolisé, c'est pas totalement toi, tu vois. En fait, c'est une partie de toi précise qui est juste abusée de ouf, en fait. C'est une partie exacerbée de toi. Exacerbée. Mais par exemple, moi, personnellement, j'ai l'alcool plutôt joyeux. Je suis dans le mood un peu « Oh là là, je vous aime tous. C'est vrai, vous êtes excellents. » Ça, c'est vrai, ça. Alors que toi, par exemple, je me rappelle une fois. Bon, après, on n'est pas obligé de tout dire. T'étais complètement sous, t'as vomi dans le caniveau, voilà. Quoi? non, pas du tout. Ce qui est quand même arrivé un jour, mais. Non, j'allais parler du fait que toi, t'étais plutôt une personne triste en étant sous. Car, en tant que personne en constante dépression, ça aggrave encore le problème. C'est exacerbé. Bien sûr. Voilà, non, mais je connais plusieurs personnes dans ce cas-là. Ouais, moi je suis plutôt dans le mood d'être joyeux et de voir le bon côté partout et de vouloir dire aux personnes ce qu'on pense vraiment d'elles enfin aux personnes qu'on pense vraiment d'elles. Mais est-ce que c'est ce que tu penses vraiment dans le sens où tu n'es pas totalement toi-même? Oui. Parce que quand t'es bourré, tu n'es pas toi. C'est parce vrai. Que la personne que tu es réellement, c'est celle qui a son inhibition, tu vois. C'est celle qui est au courant des normes sociales, qui sait se en dire fait, en fait... Ok, je ne peux pas tout dire, ou il y a une façon de dire les choses, tu en vois. Fait, la, alors ma que personne... quand tu es alcoolisé, il n'y a plus aucune règle. Ma personne sans alcool aurait quelques réserves, alors que là, je dis vraiment un truc qui est ce que je pense, mais sans réserve. Genre, si par exemple j'aime une de tes qualités, je vais te le dire. Oh là, par exemple, laquelle ? À tout hasard. À tout hasard, à l'ambition. Hasard. T'es ambitieux, incroyablement ambitieux, c'est fou. Ouais. J'adore ça chez toi. Tu fais des projets, tu t'y tiens et tu. J'écoute là. L'oreille est tendue et tu, là. Et tu te mets à fond dedans et tout. Et si j'avais quelques réserves, je te dirais par exemple que. Tu vas peut-être dans trop de projets en même temps. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais tu vois, dans les deux cas, t'as raison. Dans les deux cas, j'ai raison. Parce que quand j'ai mes quelques réserves, j'ai raison. J'ai raison d'avoir ces réserves. Mais quand je te dis ce que je pense, ce qui est bien chez toi, j'ai raison de te dire ce qui est bien chez toi. Parce que c'est vrai, en fait. Tu te mets à fond dans tes projets. Et c'est totalement vrai. C'est vrai, mais par exemple, si on reprend l'exemple de l'ex qu'on a dit avant, tu sais que ce message en réalité, c'est pas du tout la bonne idée. C'est pas la bonne idée. Et que, en vérité, t'as même pas envie de le faire parce que quand tu réfléchis, tu sais que ça va apporter des problèmes. Bah que, oui. Voilà. Et pourtant, quand t'es alcoolisé, ça te paraît la meilleure idée du monde. Et oui, c'est parce que juste tu. Comme moi, si t'es dans mon cas, dans le sens où quand tu bois, t'es un peu plus joyeux, un peu plus... Tu oublies les mauvais côtés qu'il y a voilà. eu et tu te dis en vrai, est-ce que c'est si grave ? Voilà, alors que des fois, les réserves que t'as oui, sont importantes. Et elles sont, genre, elles sont pas méritées, mais elles sont... elles existent parce qu'il y a une raison, tu vois. Voilà, c'est exactement. En mode, bon, ça s'est terminé, c'était peut-être pas plus mal, finalement. ouais. Effectivement. Voilà. Non, mais franchement, c'est intéressant cette discussion au final. C'est marrant, ça ne fait pas ça avec toutes mes ex, tu vois. Y a certaines ex à qui je pourrais potentiellement, sans pour autant avoir de sous-entendus ou d'idées derrière la tête, tu vois, je pourrais me dire, en vrai, on pourrait se reparler, etc. Et écoute, resserre le petit, il va prendre froid. J'aimerais qu'on parle après, une fois que tu as fini ça, des expressions de quand on bien sûr, doit quand resservir on est dans un, quand on est dans un. J'ai voulu tenir mon micro, j'ai vu. Hop là, nickel. Là, on m'entend bien. Non, on m'entend pas du tout. Merci beaucoup. Il nous reste du some soda au caramel sans sucre. Je crois pas. Hein. Alors écoute, ici il y en a. Ah oui, mais toi t'en veux ou pas ? Oui, mais merci beaucoup. Je pense qu'il y en aura assez. Ah nickel, on est bon. Enfin voilà, ça dépend des gens au niveau des messages. D'ailleurs, il n'y a pas que les ex. Parfois, il y a des gens de ta famille avec qui tu as des problèmes, des choses comme ça, même des amis, etc. Mais c'est peut-être un facteur, quand ça t'arrive, ça vaut peut-être l'occasion de te... Si tu t'en souviens... De déballer ton sac. Voilà. Enfin, alors, moi, je suis vraiment un partisan du ne jamais envoyer un message quand tu es bourré. Vraiment. Jamais, jamais, jamais, jamais. Par contre, si tu t'en souviens le lendemain et que ça t'a autant marqué, peut-être qu'il y a une douleur, il y a une blessure et peut-être que ça et vaut que le ça coup peut, ouais. de se pencher dessus, tu vois. C'est vrai. Mais avec les idées à plat, en se disant, bon, elle a quand même, elle ou il, peu importe la personne, tu vois, il a quand même fait ça, ça m'a beaucoup blessé, on s'est quitté en très mauvais termes, je ne sais quelle connerie, tu vois, bon, voilà. Mais ça vaut peut-être le coup de réfléchir à tout ça et de poser les choses à plat et de te dire, bon... Envoyons peut-être un au message. Moins, pour tourner la page ou pour. Voilà, des choses comme ça. Voilà. Parce que quand t'es bourré, généralement, il y a ce côté en mode. Et on se rend pas les couilles, viens juste, on fait les trucs. Alors que là, faut se dire, la personne qui reçoit ça en mode. Oula. Waouh. Ok. Ça nous est déjà tous arrivé, je pense, de recevoir des messages de gens bourrés. Ouais, d'en envoyer aussi. Ça t'est arrivé ou pas, non ? Non, jamais. Ah, bah ok, d'accord. Je crois pas, en vrai, non, je crois pas. Ok, bon bah écoute, tant mieux. J'en ai envoyé, mais est-ce que j'en ai reçu ? c'est, tu envoies tellement d'amour, personne ne peut t'envoyer de manière équivalente. de l'amour. Voilà. Enfin bref. Ouais, tu disais, ça vaut le coup peut-être des fois de poser des choses à plat. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à se monter beaucoup la tête en fonction de... Ça me rappelle, tu sais, les cours qu'on avait en MMI de communication entre l'émetteur, la façon dont il envoie le message, le parasitage, la façon dont il est reçu, compris, et le récepteur en lui. Enfin, il y a tellement de paramètres en compte qu'un quiproquo ou un malentendu est tellement arrivé, tu vois. Alors, des fois, c'est une bonne chose, tu vois, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Mais effectivement, ça peut aussi créer des problèmes. Et la clé de tout ça, avec mon expérience à l'heure actuelle de quelqu'un qui a 23 ans, donc finalement, qui a déjà quand même vécu des trucs dans sa vie, qui n'a pas non plus 80 ans. Après l'âge ça ne veut rien dire hein. Les petits demandent du respect hein. pop pop pop hein. D'ailleurs j'ai cramé l'enveloppe et puis voilà là, donc non mais franchement Gambi, j'adore Gambi. Je t'aime Gambi. Les gens comme ça, Gambi, Ghost Killer Track, tous ces gens qui font partie de la nouvelle vague du rap. Et qui essayent d'apporter des trucs nouveaux. Et qui sont 100% positifs. Ah ouais. Oh là là. Petite anecdote. Ça soigne ma tristesse petite absolue. Petite anecdote sur Gambi. La première fois que je l'ai entendu, c'était sur Twitter, quelqu'un qui disait... Non mais vraiment les mecs vous aimez ça genre parce que il faisait beaucoup de vues et moi j'avais pas encore vu et quelqu'un disait ouais genre vraiment vous kiffez cette merde et genre le premier a priori que j'ai eu c'était ok ça va être nul et j'ai écouté et j'ai fait ah franchement pas mal non c'est pas mal et mais... si quand on te vend un truc qui est nul et que tu fais ah, franchement, pas mal. Il y a du potentiel. C'est que c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment, je suis d'accord. C'est vraiment bien. Du coup, j'ai... Après, 100% ce message de qui écoute ça, c'était sur Twitter, c'est sûr et certain. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, pardon. Je suis bourré, je le rappelle. Hein. on pardonne beaucoup de choses. Mais... ouais, c'était sur Twitter. Ouais. Et Twitter a ce truc... T'as vraiment un clivage sur Twitter. Il faut faire partie d'un camp. C'est, voilà, c'est ça. C'est soit c'est la meilleure chose, soit c'est la pire chose, tu vois. Ouais. Il n'y a jamais d'entre-deux en mode bah, ça va, on est OK, les gars, il a le droit de faire de la musique. Tu vois. C'est soit il faut que cette personne vive et devienne président du monde, soit qu'elle crève dans d'atroces souffrances. Tu vois. Et c'est le problème avec Twitter. Franchement, c'est pas assez nuancé. Dès que j'ai entendu Gambi, je me suis dit, ah ouais, pas mal. Et il propose un truc nouveau. Enfin, c'est frais. En même temps, il y a une vibe rétro, mais modernisée avec son propre délire, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Comme Didi Trix, tu vois, quand il a sorti Chien de la case, je me suis dit, oh, de la G-Funk française à la Doc Gynéco, j'adore ça. Excellent. Alors, son dernier truc, La Cité, je suis un peu moins fan. Enfin, c'est pas que je suis moins fan, mais dis donc que c'est plus dans les codes actuels de la trappe française. Mais quand il est venu avec Chien de la casse, d'ailleurs, j'en ai pour preuve la popularité qu'il a eue sur ce son, tout le monde a trouvé ça trop bien. Parce qu'on est sur des bonnes vibes, des bonnes sonorités, tu vois. On n'est pas obligé de tout le temps dire « nique tout », tu vois. On peut aussi tout simplement apprécier un morceau et faire des messages positifs sans tomber dans le « finalement, tout le monde est joli quand on met nos a priori de côté ». Bien évidemment que non. Mais on peut faire des bonnes choses positives en gardant un discours cohérent et... Et en étant, comment dire, en apportant quelque chose. Exactement. Voilà, Gambi, donc gros bisous à Gambi et à Ghost Killer Track. Il y en a bien d'autres, mais en ce moment, c'est les deux que je suis, notamment sur Instagram. Je dois dire, je suis amoureux de la personnalité publique de Ghost Killer Track. Alors, je précise personnalité publique parce que je ne sais pas comment il est dans le domaine privé, cet homme-là. Mais quand je regarde les stories de Ghost Killer Track, je suis régalé. Conquis. Oh, je suis refait. Il a l'air d'être trop sympa. J'ai envie d'être pote avec ce gars. Tu vois, il est tout Alors, le temps souriant. Pourquoi ? Bah, rien que récemment, il a cramé pas mal d'argent pour faire des cadeaux et les offrir dans un hôpital, tu vois. Dans un hôpital, pardon. Et ça, je trouve ça trop bien. Tu vois, et il a pas du tout dit regardez ce que nous devrions tous faire ou je sais pas quoi. Il a juste fait son truc. Alors certes, il l'a médiatisé parce qu'il y a pas de mal à ça. Bah, tu vois, c'est bien parce que ça peut donner des idées aux. Exactement. Bah moi, j'ai eu envie de personnes. Le faire. Tu vois. Voilà. Maintenant, c'est un peu tard. En plus, là, je vais être pris dans les prochains jours, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai pas du tout eu le réflexe de oh, encore un gars qui se fait mousser. Tu vois, je me suis dit trop bien ce qu'il fait. Et on a besoin de ça, de gens qui sont positifs et qui font des bonnes même actions si comme ils ça. Sont pas, même s'ils sont pas 100% blanc comme neige, par exemple. Ah, pour le coup, il est noir, hein, Ghost Killer Track. Donc alors, c'est raciste, par contre. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'ai vu par exemple sur Twitter quelqu'un qui clashait une personne parce que elle faisait des messages à promotion écologique, par exemple. Ouais, ouais, pour Noël. C'était Greta Thunberg. C'était elle. ne mettez pas. Enfin. Ne faites pas trop de choses vraiment contre l'écologie en prenant 1 milliard de papiers cadeaux, mm-hmm. Ce genre de truc. Et cette personne, juste une semaine après, faisait un voyage à New York où elle survolait New York en hélicoptère. Très peu écologique. Et 2 semaines après, faisait un message de nouveau écologique. Et je après, me dis, ça, c'est, ça pas, dépend. C'est pas si grave, parce que elle aurait pu ne pas faire de message écologique du tout, et ne pas du tout éduquer les gens. Et je trouve que c'est bien, quand t'as une certaine influence, une certaine popularité, d'éduquer, pas d'éduquer les gens, mais de... Si, on peut parler d'éducation. Parce que de toute façon, l'éducation, tu l'apprends ou tu l'apprends pas, tu vois. Ouais, voilà, de dire de faire au moins attention. Voilà, c'est ça. Il y a une sensibilisation, en fait. Voilà, sensibiliser les gens à l'écologie et tout. Même si, juste après, elle a voyagé à New York, elle a fait un truc où elle... Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême absolu, tu vois. Je suis absolument pour l'écologie, bien évidemment. Voilà. Mais après, par exemple, je vais prendre un avion pour aller à Tokyo, bien évidemment. Et je vais pas passer 3 semaines à faire la moitié du globe en autostop, en tu vois. Enfin, et bien évidemment, je veux dire, il y a une certaine demi-mesure à avoir, tu vois. Mais par exemple, pour moi, l'écologie à l'heure actuelle, ça commence déjà par énormément moins d'emballage, le recyclage, ce genre de choses, tu vois. Rien que si on a ce genre de problème réglé, on aura avancé sur certaines choses. Tout n'est pas parfait non plus. Par exemple, si on reprend la problématique du voyage, c'est compliqué d'aller en Thaïlande si tu prends pas l'avion, tu vois. Ou alors t'as vraiment du temps pour faire. J'ai des cousins qui ont fait tout ça à vélo et tout. Et là, grand bien leur fasse. Mais ils ont passé 6 mois à faire tout ça, tu vois. Ouais. Donc on n'a pas 6 mois non plus. Tout le monde n'a pas 6 mois pour faire ça, tu vois. Bon, après eux, ils étaient en année sabbatique, donc c'est encore autre chose. Mais d'ailleurs, grosse bise à eux. Je leur fais un petit bisou. Stéphane et Léo qui ont fait une sacrée expérience, voilà, à travers ça, à deux roues du progrès. J'imagine que si c'est, je l'ai jamais tapé sur Google ou sur Ecosia, voilà, peu importe, il y a plein de bonnes choses à faire, mais j'imagine que ça ressort assez facilement dans les recherches Google. Et voilà, donc ce sont des gens qui ont voyagé pendant 6 mois dans les pays d'Asie. Pour voir un petit peu, déjà pour eux faire une césure avec le mode de vie occidental et leur routine quotidienne, mais aussi pour faire un état des lieux de l'écologie et de l'évolution de l'écologie. Alors d'ailleurs, petit point là-dessus, parce que j'ai eu le plaisir de capter Léo il y a pas longtemps, donc un des deux du binôme, et lui me disait que globalement la conclusion est positive, tu vois. Ouais. Même dans les pays comme l'Inde et tout ça, alors je suis pas sûr qu'ils soient allés en Inde, à mon avis ils ont fait, si je me souviens bien, ils ont fait que Vietnam, Thaïlande, en tout cas ça fait du bien de voir ça, enfin ça ouvre l'esprit, bien sûr. Et lui disait que même si par exemple il y a plein de problèmes, il y a une sensibilisation qui commence à se faire. Et les gens sont de plus en plus au fait qu'il faut prendre ça au sérieux, tu vois. Mmh. Comme par exemple, avant, j'étais au supermarché et j'ai croisé donc les propriétaires de l'appartement que je loue. Et eux sont allés, reviennent de l'Inde, tu vois, pour la 3e fois. Monsieur Gorillac, bien sûr. Qu'on appelle dès qu'on a un problème vasculaire. Dès que je me sens mal, je l'appelle. Hein. Ouais. Il me dit, mais pourquoi vous m'appelez c'est rapport à ma santé. Il dit, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. J'appelle... tout de suite l'hôpital. Et après, je dis, ah, mais c'est vrai, pourquoi j'appelle pas l'hôpital? Non, mais voilà. À chaque fois, hein, c'est fou. Et eux me disaient que, par exemple, eux sont allés pour la... Enfin, ils reviennent de l'Inde. Ça fait 3 fois qu'ils y vont. Et effectivement, t'as énormément de détritus, de sachets par terre. Mais en tout cas, ils commencent à y avoir une sensibilisation par rapport à l'écologie, tu vois. Mmh. Dans les manuels scolaires, dans la vie quotidienne, les gens commencent à se dire, on peut pas faire n'importe quoi sans conséquences. Et ça commence par là. Forcément, ça prendra du temps. On est 8 milliards. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain, parce que même si toi t'as le déclic en mode ok, tu as le déclic en mode ok, il faut faire les choses bien, en voyant ton voisin à côté, en voyant même une vidéo YouTube ou en vraiment n'importe quoi, juste peu importe ce qui se passe en fait, mais ton voisin à côté n'a pas forcément ce déclic là. Ouais. Ça prendra plus de temps, ça sera plus nuancé en fonction de ses envies, de son passé, de ses... Donc on est 8 milliards, ça n'existe pas un paradis où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Même la nature de base est injuste. C'est pas pour rien qu'il y a une chaîne alimentaire, c'est pas pour rien qu'il y a pas de justice dans la nature. C'est la loi du plus fort, il faut manger ou être mangé, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on a la chance d'être intellectuellement supérieurs aux animaux, tu vois, on est capable de faire d'abstraction, d'imaginer même des choses. Même supérieurs aux autres pays, quoi. Enfin, je veux dire, nous, en tant que Français, bien sûr, on est nous deux. On est... Même, je pense qu'on est super. Non, d'ailleurs, je pense pas. C'est un constat. On est, hein. Ouais. on est bien supérieurs à la masse. Oui, bien la sûr. Masse, bien sûr. À la 99%. La plèbe. Franchement, la plèbe, je les méprise un peu. On les baise hein, directement. On les baise. Non, mais voilà, effectivement, il y a tellement de gens que ça n'existe pas, un système parfait, etc. Donc il faut apprendre à faire preuve de tolérance. Et évidemment, il faut choisir son camp, tu vois. On peut pas rester neutre en disant. Parce que si, quand t'as le cul entre deux chaises, à mon sens, tu finis par te perdre dans des questions. Tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas qui tu es, etc. Il faut prendre parti, bien évidemment, défendre ce parti, mais il faut aussi avoir de la tolérance et accepter que ça prenne plus de temps pour certaines autres personnes, etc. Alors évidemment, t'as des gens qui sont des gros cons qui vont brûler des montagnes de pneus en plein air tous les jours, mais voilà, ça fait aussi partie de l'humanité. Ça... Enfin, on est 8 milliards. Hein. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, ça me rappelle que j'avais eu un reportage sur des personnes qui étaient pro-Trump. Mmh. À l'époque où c'était encore le débat, enfin c'était encore l'élection, au moment de l'élection, et il y avait des personnes pro-Trump en Amérique qui pour le coup avaient acheté des pick-up exprès et qui les avaient modifiés exprès pour qu'ils soient le plus polluant possible. Et je trouve ça fou que genre ils croyaient pas au fait que la planète était de plus en plus polluée, de plus en plus en danger, etc. Et du coup, ils faisaient l'extrême inverse. Genre, enfin, à quel moment, quand tu crois pas à quelque chose, tu fais exprès de faire l'extrême opposé? Je comprenais pas ce bon, concept. Après, les Américains sont une mentalité assez spéciale aussi. Et du coup, ces personnes-là achetaient des pick-up extraits pour polluer le plus possible. Et genre... Le mec qui était en reportage était content de, à chaque fois, croiser une voiture électrique ou hybride pour pouvoir... Hybride. Des voitures écrites, hein, ta gueule. Elle s'était écrite que... Est-ce qu'elle pèse, la voiture? Hop là. J'adore ça, la mécanophilie. C'était pas du tout un accent alsacien, c'est vraiment... Allemand, ça n'existe pas. Raciste. La mécanophilie. Si quelqu'un a vraiment cet accent, qu'il me contacte. Et qu'il dise, j'ai l'accent de voilà. La mécanophilie. C'est ça, et je lui laisserai un vu. Ouais, c'est tout. En fait, ouais, ces mecs-là, du coup, polluaient énormément. Juste pour dire qu'ils étaient contraires. Ils s'en battaient les couilles, en fait. Voilà, ils s'en battaient les couilles. Et je me en suis fait, dit, c'était incroyable. Leur façon... de manifester contre l'écologie. Voilà, c'est-à-dire de dire pas, c'est n'importe quoi, genre la ils planète. Ils peuvent pas rester elle, en mode allez, voilà. Vous mentez. Ils sont en mode non, on va baiser la planète parce que vous mentez. Et du coup, dès qu'ils croisaient une voiture hybride ou électrique, ils faisaient exprès de les dépasser et d'accélérer à mort pour envoyer énormément de gaz dans leur gueule, genre en mode vraiment de la fumée noire, tu vois, pour être contre ça en mode genre l'écologie ça a quelque chose à voir avec la planète. Bah oui, c'est alors c'est fou, c'est des problématique personnes qui pensent comme ça. Bah on appelle ça des cons hein. C'est en l'occurrence. Ouais. Ou alors des gens qui n'ont pas en fait qui s'en foutent. Il y a vraiment littéralement des gens qui s'en foutent, tu vois. Ils sont en mode tant pis tant que moi et mes proches vont bien, bien. Bah, les couilles du reste, tu vois. Allons bien, pardon. Ce que je peux comprendre aussi, tu vois, c'est un petit peu ce que Vald disait sur Journal Perso 2. C'est-à-dire que tu as envie de veiller sur toi et uniquement tes proches, mais ce programme-là, c'est le programme des Le Pen, tu vois, c'est ce qu'il dit aussi dans... Donc, Ah, il y a, y a une dichotomie dans cette façon de penser. De... Dichotomie ? C'est quand il y a une cellule qui devient multicellulaire à travers deux cellules qui... Là, tu manques. Non, c'est la mitochondrie, ça, plutôt, je crois. Ouais. Je sais plus. Il y a moyen. Il y a mitochondrie, ça me dit quelque chose. Je sais plus du tout. Déjà, non seulement je suis pas en état de réfléchir, mais en deuxièmement, quand bien même, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai fait ES et j'étais plus dans le bail d'avoir mon bac juste pour pouvoir faire ce que j'aimais vraiment que d'apprendre un petit peu tout et n'importe quoi. Tu vois. Ah ouais. Après, cela dit, la culture générale, c'est important quand même. Hein. Mais attends, c'est quoi exactement ? La dichotomie, si je me souviens bien, c'est alors, ça, c'est une parole de moi bourré. Hein. Mm-hmm. Mais si je me souviens bien, c'est une différence entre ton discours et son inverse. Aucun sens. Vraiment, j'ai essayé de réfléchir là en étant sous. Écoute. Hein, aucun sens. Non, mais en fait, je connais la définition, mais comme ça, là... En vrai, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ça me dit quelque chose, et j'ai débranché mon casque en tirant sur le câble. Ça me dit quelque chose, et, voilà, et division, je suis plutôt division, OK avec ça. Division de quelque chose en deux parties distinctes et souvent opposées. Donc, c'est un camp et l'autre, tu vois. Et un camp et l'autre camp, pardon. Tu m'entends ou pas ? Ouais ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui es-tu ? Qui es-tu réellement ? C'est bon. Je sais plus ce qu'on disait, mais voilà, je sais même plus pourquoi j'ai dit dichotomie, mais voilà, du coup, ça s'appliquait. C'était par rapport à l'écologie et les personnes qui s'en foutaient complètement. Et oui, qui, t'as les gens qui prennent ça au sérieux et les gens qui s'en foutent complètement, et bien souvent qui sont dans un extrême de niquons la planète, en vérité, ça n'a aucune conséquence, tu vois. Oui. Et par exemple, en Inde, ça, par exemple, je peux comprendre. Alors, je valide pas. Le fait qu'ils soient un pays en développement. Exactement, qui essaie de faire. C'est vraiment place. Pas leur premier problème de trier les sachets en plastique, tu vois. Ouais, voilà. Il y a tellement de problèmes en Inde, là, par exemple, avec toute cette culture du viol et tout en Inde, il y a des choses à revoir, bien évidemment. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il faut pas non plus être tunnel vision et dire non, il faut que ce soit comme ça. Ouais, voilà. Tu vois, si vous étiez une personne qui vit là-bas. Je le rappelle, on est 8 milliards, c'est-à-dire 8 milliards de personnes qui ont toute une façon de penser différente. Mmh. Impossible que tout le monde s'accorde en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Donc il faut faire preuve de tolérance et faire le mieux avec ce qu'on a tout simplement. Voilà. Donc, faire des actions écologiques, mais aussi, déjà, non plus pas s'empêcher de vivre, parce que à partir du moment où, quand bien même t'as des valeurs, si ça devient une prison, je pense que c'est problématique, tu vois. Ouais, il faut trouver le juste milieu, voilà. C'est vraiment pas une mince affaire, mais on peut tous plus ou moins y arriver. Le vrai problème, c'est de pouvoir éduquer tout le monde, quoi, par rapport à ça. Bah, l'éducation, c'est un autre vrai problème. J'aime bien la discussion, là. On est sur un bon podcast qui va durer assez longtemps, je pense. Parce que là, on est sur normalement 55 minutes. Mais par exemple, le Japon. Oui. Oh, aucun déchet par terre. Oh, j'adore le Japon. Aucun déchet par terre. C'est-à-dire que c'est... En fait, ça devient un problème. C'est tellement propre que ça devient un problème. Tu manges un truc dans la rue. Tu ne sais pas quoi faire de ton papier. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle. Parce que les gens mais ne... pourtant, personne. Il n'y a rien par terre. Il n'y a rien par terre. Oh là là là là. C'est incroyable. Terrible. Parce qu'ils ont vraiment ce truc de... d'ailleurs, ça se voit souvent. Il y a des... Je crois qu'on a déjà parlé dans l'épisode Japon-Japon. Ton déchet, c'est ton problème. Voilà, mais... Au Japon. En fait, c'est si chacun fait son rôle, tout le monde ira mieux. Oui. C'est un peu ça la mentalité du Japon et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est comme ça qu'il faudrait penser, tu vois. Dans le sens, on n'oublie pas l'unité parce que c'est important, tu vois. On est chacun ici avec nos désirs, nos ambitions, etc. Mais en même temps, il faut penser à la communauté. Si quelqu'un fait ça, ça va te nuire. Donc pourquoi ? Si tu le fais, ça va nuire à quelqu'un, donc faut pas le faire. Est-ce que tu es Jésus en fait ? Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Quand moi je prends une claque. Je tends l'autre joue. Ok. Vraiment, ne faites pas ça en fait. C'est... Ayez au minimum une discussion avec cette personne en mode qui es-tu espèce de merde. Sale grosse con. Moi j'ai une petite sujet mais qu'on parle dans tous les sens, j'adore ça et en même temps je déteste hein. Je sais pas si c'est audible, vous nous direz en commentaire. Oui. Est-ce audible, est-ce que passez-vous un bon moment? Moi à l'heure actuelle oui, et toi? Moi en tout cas oui, étant désinhibé car mec, l'alcool ça fait longtemps hein, que j'ai pas été en mode ouh. J'essaye de faire bonne figure mais alors, là je suis rabat. La personne que vous avez en face de vous, à savoir Quentin Crepon, bonjour, a l'habitude de dire a des expressions telles que ouh. Ça c'est un vrai problème qui me tue de rire et en cette période là où on est un peu sous, il le dit à environ une fois par phrase. Ouf. Et ça m'excelle dans le rire. Oui, moi je déteste Excel, hein, donc ça je permets pas. Hein. Ça je permets pas. Non, en fait, le sujet sur lequel je voulais dériver, t'es là avec ton micro. Le sujet que je veux dire, ça va être le pire épisode. Non, le meilleur. Le sujet sur lequel je voulais dériver, c'était que y a forcément des moments dans lesquels. Comment dire, où vous vous rappelez quand vous étiez sous. Comment dire, des moments mémorables quand on. Attention, t'es passé à ça de d'être en pleine confusion d'être, dans ton phrasé. Un SDF complètement sous à 24. Quoi? Non. Il y a forcément. Écoute, arrête de rigoler. Je suis là, j'ai un discours cohérent. Toi, t'es là, tu rigoles pour rien. C'est un bon ça. J'en peux plus. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a forcément des moments mémorables quand vous étiez désinhibé. Bien sûr. À savoir, par exemple... J'ai un truc à raconter. J'ai l'anniversaire d'une personne qui était mon ex, finalement. Ou Quentin... Alors, non, mais après, t'es pas obligé de... Si, je vais raconter. Bon, ça suffit maintenant. Est-ce qu'il y a des KitKats? Voir un petit peu. T'en veux ou pas? Un jour ou l'autre. T'en veux ou pas? Oui, évidemment. Bon, après, tu te calmes. Un jour, j'étais à l'anniversaire d'une ex... Et Quentin était là avec sa copine de l'époque aussi, donc son ex. Et il faut dire qu'à un moment donné dans la soirée, oui, tout le monde avait bu, tout le monde était bien. Et Quentin... ça se faisait dans une salle des fêtes, à côté d'un gymnase. C'est vrai. Voilà. Et à ce moment-là de la soirée, Quentin est allé dans le gymnase... Plusieurs personnes l'ont suivi et il a eu un discours assez philosophique duquel tout le monde se souvient à peu près, qui était là à la soirée et où il, comment dire, ça il nous disait, aucun sens, où il nous disait des choses qui étaient très vraies et auxquelles on était tous là en cercle, on était assis en tailleur, tous autour de lui. Il nous déblatérait des choses assez philosophiques. Et on était là, on accepte. À vous abreuver de mes paroles. Voilà, et franchement, si t'avais créé une secte à ce moment-là. Je suis un peu un gourou. Hein, oui. ça, à ce moment-là, si t'avais décidé de créer une secte, on aurait été tous d'accord. Bien sûr. Et c'était assez drôle de voir qu'il nous disait des choses par rapport à l'amour, par rapport à beaucoup de choses qui étaient vérifiables et vraies. Et on était tous en train de l'écouter. C'était fou. Tu sais que j'ai aucune idée de ce que je racontais. C'est vrai. Je m'en rappelle plus du tout. Mais par contre, oui, je me souviens parfaitement de la pièce en question. Ouais. Qui était un gymnase de... Alors, j'imagine que c'était probablement une équipe de foot, un truc du genre, voilà, vestiaire d'équipe de foot. Je me rappelle où j'étais, qui avait en face de moi, genre des visages et tout. Je me rappelle c'est qui était là et tout, ouais. Mais j'ai aucune idée de ce que tu dis. Du discours tenu, tu vois. Donc, voilà. Et c'est quand même fou, parce que c'est des moments où... où il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose et on le garde en soi et on au moment au porte enfin au, à ce moment-là on se dit ah ouais totalement vrai ce qu'il dit c'est fou. Et il a toujours eu un peu ce Quentin a eu toujours un peu ce comment dire ce cette idée de rassembler un peu finalement. Et c'est très fort. Bravo, mon pote. Je peux te faire un check. Yes, tiens, viens, fais-moi la bise directement. Allez, là. Hop là. Le frérot de la Vega, bien sûr, évidemment. Oui. Ça fait plaisir. Le frérot de la Vega. Non, mais est-ce que toi, tu te rappelles un peu de ce moment ou pas? Alors oui, comme dit... Bon, après, peut-être finalement, sois sur tes appuis, en fait. C'est vrai. Non, je me rappelle effectivement beaucoup de cette soirée. Notamment la fin, voilà. Je me rappelle, comme dit, du coup, de ce moment-là. Je me rappelle qu'on est arrivé en retard aussi avec l'ex en question. Oui. Très en retard par rapport à la soirée. Disons que la soirée commençait à 19h, vous êtes arrivé vers 23h, quoi. Comme t'abuses ! Mais quel enfoiré ! Vous êtes arrivé 3 jours après, il n'y avait plus personne. Non, mais vous étiez un peu attendu comme les Messi, finalement. Bah, et attends, écoute, je pense que... Le plus beau de la classe, la plus belle de la classe, forcément, on les attendait. Elle avait été élue Miss UT, non ? Oui. Je crois. C'est vrai. Ouais. Très belle femme, hein, on va pas se mentir. C'est tout simplement, les chemins des gens parfois se croisent et se défont. Voilà. Ça fait partie de la vie. En tout cas, avec du recul, je garde énormément d'affection pour cette personne. Des bons souvenirs. Exactement, que des bons souvenirs. Tu serais prêt à, par exemple, lui envoyer un message tout de suite? Non, pas du tout. Ça serait une très mauvaise idée. Non, vrai, de toute façon, même en étant bourré, c'est bien. C'est bien parce qu'on garde des très bons souvenirs. Exactement. Avec des personnes. C'est des très bons moments passés. Après, c'est normal que ce soit terminé. Il y a plein de voilà. Ainsi va la vie, j'ai envie de dire. Tout n'est pas rose, tout n'est pas. Et puis même en vrai, qu'est-ce que ça veut dire au final tout ça? Tu vois, est-ce que c'est si grave que ça? Que les chemins se séparent, ça fait partie de la vie, tu vois, et c'est ce que tu disais, il faut se souvenir des bons moments, parce qu'il y en a eu énormément. Ah, je vais peut-être le couper, ça, en vrai, je sais pas. Je sais pas, parce que par rapport à elle, j'aime pas me mettre de barrière, de filtre, il faut avoir une certaine, je pense, d'essence. Il faut être ouvert. Voilà, il faut avoir une certaine d'essence, il faut être ouvert d'esprit, mais cela dit, je n'ai pas envie qu'elle, forcément, soit impliqué là-dedans, ouais. Sans son consentement, bien évidemment. Le consentement, hashtag respect women, hein, on respecte les femmes. Important. De toute façon, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand tout le monde, quand toutes les parties trouvent leur compte, finalement. Exact. Voilà. Ah, c'est un épisode haut en... Écoute, je te propose d'aller... Comme c'est franchement le dernier de l'année, on va jusqu'à 1 minute 30, pas plus. 1h30. 1h30, donc encore aller un petit quart d'heure et puis on s'arrête là. Ouais, il vient de lâcher un pur ro de l'enfer comme on n'en fait plus. Non mais là on est attends, vraiment ça, non là ça a pas commencé déjà. si vraiment non bah non ah hop, alors ah. Ouais, il reste vraiment 2 chips. Les chips sur le canapé directement, hein. Bah après, il y a des taches de musper parce que tu fais l'amour à ta copine dessus et après tu mais les nettoies pas. Mais c'est pas vrai. Bon après, voilà. Moi, ça me dérange pas parce que je t'apprécie. Mais... Oh, du fromage blanc, là. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin, bref. Je sais même plus de quoi on parlait. De quoi parlait-on? Alors là, de toi qui déblatérais des choses philosophiques dans un vestiaire, finalement. Non, on parlait d'un autre truc, je sais plus. Enfin, bref, voilà. Ouais, donc on s'est dit un petit quart d'heure, il y a ce quoi? Ouais, voilà, un petit quart d'heure. Et puis on s'arrêtera là. C'est un épisode où on est plus à la cool. Là, on est vraiment à la bonne franquette, tu vois. Voilà, on a un peu bu, on a profité. C'est cool. Et on a... Ouais, non, c'est cool, ça fait plaisir. En tout cas, 2019, pour ma part, a été une année assez spéciale. Beaucoup riche de... en émotions. Ouais, voilà. Énormément, beaucoup de hauts, de pics de positifs. et des crevasses de négativité absolument absolue. Hein, voilà. Et Constance, j'ai beaucoup ramé dans des questionnements, dans des choses et d'autres. Ça a été une année avec beaucoup de remises en question, de remise en cause, de questionnement et de dépression, on va pas se mentir. Ça a été une année difficile par rapport à beaucoup de choses. J'ai consolidé des relations, j'ai perdu d'autres relations, ça m'a beaucoup affecté. Il s'est passé aussi beaucoup de choses dans ma vie, comme dans la vie de tout un chacun, tu vois. Je suis pas en train de dire je suis pas en train de faire Calimero, tu vois, mais tout de même il y a eu beaucoup de choses, et ça a été pour ma part une année riche vraiment en émotions, contrairement à certaines années où il se passait pas grand chose. Là vraiment, en plus du fait que je suis auto-entrepreneur, donc freelance, donc mon propre patron, alors là c'est encore un autre délire, la gestion de clients, la gestion de factures, la gestion d'impôts, la gestion de l'ambition dont tu parlais avant, ça a été une sacrée année 2019, et j'ai vraiment hâte de commencer 2020, histoire de voir ce que ça va donner. Voilà. Et toi, pour toi, qu'est-ce que ça donne 2019 jusqu'à présent? Ben écoute, 2019, ça a été une très belle année pour moi. J'ai pu, en début d'année, sauvegarder pas mal d'argent de côté. De thunes. De thunasses. De bonnes, grosses thunasses. En allant travailler à Paris, ça m'a permis de beaucoup prendre de côté, et aussi de pouvoir améliorer mon matériel, finalement, de pouvoir me faire plaisir aussi. Même ton train de vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a eu un avant et un après, hein. Ouais, clairement, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Après, ça m'a aussi montré que il y avait des moments où il fallait faire des choses desquelles t'étais pas forcément à fond dedans, parce que t'étais pas, enfin, tu trouvais pas ça super intéressant, mais qui te rapportait de l'argent. Mais en même temps, à côté, tu faisais des choses que tu trouvais beaucoup plus intéressantes, mais qui te rapportaient beaucoup moins d'argent. Donc, un équilibre entre zone de confort et zone d'expérimentation, d'aventure. Voilà, c'est ça, zone où, dans laquelle tu fais des trucs qui t'intéressent. Entre stabilité moins et prise de risque. Voilà, exactement. Donc, c'est cool, parce que ça, tout cette oseille, ça m'a. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein. Oh, y en on a va eu pas eu se mentir non plus. Mais c'est bien, t'as raison. Honnêtement, on a toujours défendu l'argent sur ce podcast, et pour ma part, ça continuera. L'argent, c'est bien, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, imagine, tu veux aller dans l'espace. Bah, quand tu fais sans argent, impossible. Et on n'a qu'une seule fenêtre de vie, en fait. C'est-à-dire que tu vis une seule fois pendant une période d'environ 80 ans, et c'est terminé, game over. Donc, il faut pouvoir en profiter. Voilà, tout simplement. Ça permet de faire beaucoup de choses, et ça permet aussi de se concentrer sur... Enfin, comment dire, tu gagnes pas mal d'argent, t'es plus tranquille pour des projets annexes et sur lesquels tu comptes vraiment. Bien sûr. Non seulement, en plus, quand tu gagnes pas mal d'argent, dans 95% des cas, ça veut dire que tu apportes de la valeur. Oui. Donc ça, c'est que quelqu'un te fait confiance, voilà, exactement, pour tes capacités. C'est que tu j'ai pas envie de dire tu le mérites, parce que ça impliquerait une méritocratie, alors qu'en vérité c'est pas tellement le cas. C'est surtout la valeur que tu apportes à la société est-elle à la hauteur du prix que tu demandes, et de l'argent que tu touches. Voilà. Bon, on va pas non plus rentrer dans des concepts d'économie et tout ça, mais par exemple, l'argent, ça permet, si tu as des enfants plus tard, ça permet de... ils ont envie de faire une école précise, bam, tu leur payes, tu vois. Alors évidemment, il y a une discussion, est-ce que tu veux vraiment faire ça, etc. Ouais. Mais en tout cas, tu n'es pas dans le mode, oh là là, je vais devoir faire un prêt à la banque, etc. Personnellement, j'ai connu la pauvreté, tu vois. Alors pas non plus la pauvreté comme la pauvreté absolue où tu peux pas du tout payer tes factures, mais voilà, j'ai grandi dans une famille qui avait pas forcément beaucoup de moyens. Ma mère est allée au Resto du Cœur, des choses comme ça, on pouvait pas payer toutes les factures. Moi-même, j'ai eu affaire aux impôts, potentiellement des huissiers, tout ça, donc voilà, je connais une certaine partie de tout ça. Et effectivement, quand tu touches de l'argent, beaucoup d'argent, ou en tout cas une certaine somme, ben, ne serait-ce que tu peux apporter du bonheur par procuration aux gens, tu vois. C'est-à-dire que le vrai bonheur, il peut venir que de toi. Ouais. Du déclic que tu as intérieurement de « Ok, qu'est-ce qui chez moi crée le bonheur ?» Mais en tout cas, quand toi, tu as de l'argent, tu peux par exemple, j'en sais rien, imaginons une situation, tu peux acheter une nouvelle voiture à ta mère, tu vois. Sa voiture vient de tomber en panne, elle est irréparable, alors ça coûte je sais pas combien. Bah, tu peux lui offrir une voiture flambant neuve. Tu vois, et ça fait plaisir. C'est-à-dire du bonheur par procuration. Tu peux mettre la daronne à l'abri, finalement. Exact. Donc voilà, l'argent, ça fait plaisir. Et il faut de l'argent. Il faut se battre pour l'argent. Il faut savoir connaître la valeur qu'on a. Alors, je parle professionnellement, parce qu'évidemment, en tant qu'humain, c'est inestimable. Il faut se donner aussi. Bien sûr, il faut se donner les moyens, exactement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit personnellement, « Putain, t'as trop de la chance d'être à ton compte, que ça marche bien, etc. » Mais je parle jamais de toutes les nuits blanches des problèmes qu'il y a derrière tout ça. Même chose pour toi. Il y a tellement de... Rien n'est rose. Ouais, il faut avoir travaillé derrière. Exactement. Rien ne s'acquiert facilement dans ce monde. La liberté, ça s'achète. Et elle est littéralement à la portée de tout le monde. Mais il faut se sortir les doigts du cul et travailler dur. Personne n'a rien sans rien. Mais en tout cas, la bonne chose dans tout ça, c'est qu'elle est accessible. Elle est vraiment accessible. Ouais. Cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, d'être son propre. C'est pas, comment dire, c'est pas impossible d'y arriver. Exactement. C'est dur. C'est dur, mais c'est faisable. Donc, voilà, si vous avez vraiment envie de le faire, et peut-être que vous avez envie de le faire, mais que vous vous dites, oh là là, franchement, j'ai aucune idée de comment faire ça. Moi, j'ai grandi dans une famille, tout le monde est, j'en sais rien, mon père est ouvrier, ma mère est caissière, c'est super dur, tu vois. Et je comprends tout à fait, évidemment. Mais si tu as accès à Internet, ce qui est probablement le cas si tu écoutes ce podcast, tu as accès à toutes les solutions dont tu as besoin en fait. Il y a un nombre de tutoriels pour tout et n'importe quoi sur YouTube, c'est absolument incroyable. Tu peux aller à des médiathèques, la plupart des médiathèques sont gratuites. D'ailleurs, j'imagine quasiment toutes, j'imagine que c'est un service proposé par la mairie, hein. Aucune idée, pour le coup. C'est vrai, ne nous prononçons pas, parce que je sais par exemple pour emprunter des livres à la médiathèque de Lingolsheim, c'était payant, toute une époque, mais en tout cas pour y aller et lire les livres sur place ou même profiter des ordinateurs sur place, c'était gratuit, tu vois. Donc il y a toujours des solutions, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Tu peux aussi énormément te restreindre sur tes loisirs, t'es pas forcément obligé de sortir tout le temps. Tu vois, save the budget. Tu vois, si t'as peu d'argent qui rentre, fais de telle sorte que cet argent, tu le gardes, quitte à te restreindre pendant 6 mois, 1 an, 10 ans. Mais si tu te sacrifies pendant 10 ans, mais qu'après, ça te permet de vivre comme un roi pendant 30 ans, bénef, en fait. Bah ouais. Il y a un calcul à faire. Je ne sais pas si vous connaissez, et d'ailleurs, je vous invite à le regarder parce qu'il est excellent, l'anime Full Metal Alchemist avec Edward Elric et Alphonse Elric. Je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois que le nom de famille se prononce comme ça, mais bref. Pour les VF ? Ouais, c'est ça. Ah, okay. Et en gros, le principe de cet anime, de ce manga, c'est que, en gros, il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle l'alchimie. Et en gros, c'est de la magie, tu vois. Tu peux transformer quelque chose en une autre, ou tu peux créer quelque chose, mais tu es obligé de sacrifier autre chose. Et dans l'œuvre en question, c'est ce qu'on appelle le principe de l'échange équivalent, c'est-à-dire que tu ne peux rien créer sans sacrifier quelque chose. Et c'est exactement le cas dans la vérité. Tu ne peux pas créer ta liberté, tu ne peux pas acquérir ta liberté si tu ne sacrifies pas d'autre chose. Il y a des gens de ton cercle d'amis qu'il va falloir enlever. Parce que c'est des gens qui vampirisent ton temps ou ton énergie, des choses comme ça, tu vois. Donc, ouais, effectivement, être son propre patron, être freelance, c'est super cool. Mais il y a tout un pan dans l'ombre qu'on n'explique jamais, parce que personnellement, j'ai envie de parler plus de positivité que de problème. Mais c'est tout à fait accessible. Et réellement, si vous voulez acquérir ça, si une vraie liberté vous intéresse, vous pouvez totalement le faire, voilà. Simplement. Ça a été un bon gros épisode. Ouais, un épisode placé sous le joug de l'alcool, finalement. Voilà, de l'alcool et de la bonne humeur, surtout. Mais de la bonne humeur. On essaye de transmettre une image positive, même si quand on a bu, voilà, c'est pas plus compliqué, mais c'est un autre pan de la, on se contrôle de la positivité. Moins bien. Voilà. On se contrôle moins bien. Et on espère que cet épisode vous a plu. On a essayé en tout cas de transmettre un bon message, de parler de choses positives quand on est même alcoolisé. Et même si l'alcool est une chose à consommer avec modération. Toujours. Voilà, toujours. Faut pas aller dans l'excès. Là, par exemple, pour le coup, on est tous les deux, on est bien, mais on n'est pas non plus complètement sous. On sait encore de quoi on parle. Ouais. On n'est pas dans l'excès incroyable. C'est marrant parce que j'arrive à réfléchir, tu vois. Ouais. Mais j'ai du mal à l'heure actuelle à formater ce que j'ai envie de dire, tu voilà, vois. Voilà, c'est ça. En fait, on a des bonnes idées, mais on a juste du mal à les exprimer. On a des, ça part un peu dans tous les sens. Les mots s'entrechoquent et s'entremêlent. S'entremêlent. Exactement. J'ai cru que t'allais me rouler une pelle là. C'est une sempiternelle roulage de pelle. Ça, je permets. Quoi pas. Enfin voilà, tout simplement, voilà. On vous souhaite une bonne année. Une bonne année. Et on va d'ailleurs rallumer ensemble les petites bougies qu'on avait. J'ai une petite question pour toi. Bien sûr, avec grand plaisir. Pose-la-moi. Quelles sont tes résolutions de l'année ? Parce que les gens ont des résolutions. Moi, je pourrais te dire la mienne tout à l'heure. Quelles sont les tiennes ? Je ne crois pas du tout aux résolutions. C'est vrai ? Car toutes les personnes que j'ai vues exprimer des résolutions, même moi, par expérience, ne les tiennent jamais. Parce que je pars du principe que si tu veux vraiment faire quelque chose, il ne faut pas attendre un événement précis. En mode, tu sais, c'est ce fameux syndrome du bon moment. Dans le sens où, oh non, je peux pas faire ça parce qu'il faut que ceci, il faut que cela. En vrai, c'est bullshit total. Il n'y a pas de bon moment. On peut le faire n'importe quand. Exactement. Le bon moment n'existe pas. C'est un déclic qui se fait dans votre tête. Alors, ça peut prendre 10 ans, ça se trouve. Mais en tout cas, c'est un déclic dans la tête. Donc voilà, je crois pas aux bonnes résolutions. Cela dit, des choses auxquelles j'ai déjà pensé pour 2020, qui seraient plus du coup de l'ordre de l'ambition que plus de simples résolutions, ça serait arriver à développer Trueplug, donc ce qu'on est en train de faire, et potentiellement gagner assez d'argent pour déjà que nous on puisse être au calme. Et mon ambition à terme, c'est vraiment créer une ambition avec une entreprise avec plusieurs personnes et donc nourrir des gens, tu vois. C'est-à-dire offrir la possibilité à des gens de pouvoir vivre de ce qu'ils aiment et donc de pouvoir taffer toute la journée sur, par exemple, j'en sais rien, du contenu rap. Voilà, du contenu rap. Et puis le soir, ils arrivent à manger grâce à ça. Ouais. Oh là, je serais refait, tu vois. Quelqu'un qui est vraiment fan de ça. Et toute la journée, il bosse sur ça et le soir, il arrive à manger grâce à ça. Oh là là, je serais Gucci de ouf. Ça me ferait plaisir. Gucci de ouf. Deuxième résolution ou deuxième envie, partir au Japon, c'est sûr et certain. J'y retourne direct. à Toronto aussi, j'ai vraiment envie de voir Rob, A-Rob, que vous avez déjà vu dans l'épisode plusieurs fois. Enfin, que vous avez entendu plusieurs fois et que vous avez vu une fois. Une fois, ouais. Voilà, dans l'épisode, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. En tout cas, freestyle en live. Voilà, machin, avec des flammes sur la miniature et tout. parce que, bien sûr, le clickbait. Hein. Exact. J'ai aussi envie de faire de la batterie et d'apprendre beaucoup plus la musique. Je me suis rendu compte que plus qu'un simple auditeur et un simple réalisateur, j'ai envie d'être partie intégrante de la musique et donc d'en créer. Ça fait longtemps que je fais des beats dans mon coin. Des musiques dans mon coin, mais j'ai vraiment envie de développer ça et pourquoi pas travailler avec des vrais artistes, peut-être moi-même créer de la musique. Tu vois, écrire des textes, des choses comme ça. J'ai envie de... En plus, c'est vraiment un catalyseur, tu vois. J'ai toujours aimé écrire. Ça m'a toujours aidé à comment dire, trier mes pensées, à aller mieux et tout. Mm-hmm. Et peut-être que l'exprimer en musique et donc potentiellement rendre ce discours... concret. Concret et accessible à des personnes qui pourraient s'identifier. Alors là, je suis double Gucci, tu vois, par rapport à ce qu'on disait avant. Et voilà, troisième envie, ce serait tout simplement d'aller de mieux en mieux. Comme dit, je travaille encore de manière quotidienne à être une meilleure personne, quand bien même on a tous des démons, bien évidemment. On a la bonne franquette qui te met Gucci un peu par rapport à ça. Ah, j'avoue que c'est ma petite pause dans la semaine où on raconte que des blagues, on raconte n'importe quoi et ça chasse pendant le peu de temps qu'on fait l'épisode, ça chasse toutes les idées noires de ma tête, tu vois. Et ça évite clairement que je me mette une balle dans la tête. Donc à l'heure actuelle, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Mais voilà, par rapport à ça, effectivement, j'ai hâte. Je viens de télécharger une application qui s'appelle Refactly. Alors je vais la plug tout de suite. Alors ça s'écrit R-E-F-L-E-C-T-L-Y. Alors je viens de la télécharger, donc ce soir c'est la première fois que je vais l'utiliser, mais en gros c'est une application où tu renseignes comment tu t'es senti aujourd'hui, si tu t'es senti mal, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ceci, cela. Donc c'est une sorte de journal intime, et j'ai remarqué sur les bons conseils de Dagmar, à qui je fais un bisou. Excellent artiste d'ailleurs, je vais lâcher son Insta, comme ça on est bon. Je suis en train de beaucoup parler, hein. Après je te laisserai la parole bien sûr. Dagmar, voilà, Dagmar-CSTR, qui est une directrice artistique de Paris, qui fait des dessins et des concepts absolument somptueux. Ça, c'est un vrai talent brut, comme on en fait peu. Qui elle, tient un journal de gratitude. Donc, par exemple, tous les jours, elle écrit pourquoi elle a apprécié cette journée, pourquoi elle ne l'a pas appréciée, et en quoi elle peut remercier les gens ou les choses qui sont arrivées, et c'est cool. Donc voilà, je vais essayer Reflectlist ce soir, et je pense que ça fait partie des opportunités qui me permettront, par exemple, de mettre les choses en perspective. On dit souvent, ne laisse pas une mauvaise journée te faire croire que tu as une mauvaise vie, tu vois. Et là, tu ne m'écoutes pas, hein, car tu es complètement bite apparente, hein, là, directement. Non, mais bien sûr que je t'écoute. Tu as parlé de Dagmar, tu as parlé du fait qu'il fallait pas laisser une mauvaise journée. Quatrième résolution, je cherche quelqu'un pour remplacer Vincent. Quelqu'un qui soit vraiment à fond dans le podcast. Alors, il faudrait quelqu'un qui soit motivé, par rapport à moi, qui soit de manière... indubitationnellement. Oui, bon, quelqu'un qui parle français en fait, simplement. Quelqu'un qui parle français, quelqu'un qui soit drôle aussi. Parce que moi, je suis pas si drôle que ça, finalement. Tu es excellent. Merci. Et c'est marrant parce que j'ai dit ça pour que tu dises que je sois. Mais c'est vrai. Maintenant, je te connais depuis 4 à 5 ans. C'était quand la première année qu'on s'est rencontrés? C'était en 2017, non? 2016? Non. 2016. 2014. Attends, on venait d'avoir le bac 2014. Ouais. On n'a pas eu le bac en 2015? Non, je me souviens plus, 2014. Donc ça fait 5 ans. Ouais. Et j'ai vu ton évolution. Et alors, personnellement, je suis fier de toi. Merci beaucoup. Ça, je te le dis, tu vois. Chaque jour, je te vois grandir en tant que personne et en tant qu'âme, puisque l'âme dépasse le simple principe du corps, tu vois, de cette enveloppe charnelle. C'est-à-dire tes idées, tes compétences, la personne que tu es, tu vois, tu évolues bien et dans le bon sens, tu vois. Tu cherches à te dépasser, même quand quand tu montres un travail que tu as fait et qu'on dit franchement tu pourrais faire mieux, ou alors ceci c'est pas top, je sais, et même de ton propre aveu, des fois tu es en mode putain ça fait chier, mais à chaque fois t'arrives quand même à te dépasser, et ce que tu proposes après, le résultat est 1000 fois mieux. Donc il y a une vraie évolution et il y a vraiment une envie de bien faire. Et ça, c'est important. Donc, félicitations pour toi. Merci beaucoup. Et puis, même en tant que personne, t'es personnellement, par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à notre relation, t'es une des seules personnes avec qui je sais que... Enfin, sur qui je peux compter à 100%, tu vois. Le nombre de fois où il s'est passé des trucs, machin... Bon, bref, voilà, on va passer s'étendre là-dessus, mais... humainement, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un comme toi que je considère vraiment comme un frère, tu vois. Merci beaucoup. D'ailleurs, bon, c'est pas pour rien qu'on partage le même tatouage qui est ici sur le bras droit. Voilà, toi tu l'as ici aussi, et qu'on a fait au Japon, à Tokyo. Incroyable, il y a une vidéo meilleur pays. Voilà, bon, on le rappelle. Il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne sur ça en 2020. puisque j'ai filmé ce moment-là. Et c'était très cool, tu vois. Je partage aussi un autre tatouage avec Roberto. Et voilà, vous êtes tous les deux, pour moi, des personnes extrêmement importantes qui m'empêchent de sombrer dans la tristesse et dans la mort, hein, probablement. Merci beaucoup. Donc ça fait plaisir. Écoute, on essaye d'être là au maximum, tel des frères de rapport, finalement. Quand ils disent « j'espère que vous êtes là, on est là, machin ». Nous, on est là. C'est vrai. On est ensemble. On est les frérots. C'est la force. On se donne la force. Ça, c'est un truc vraiment qu'on voit passer dans le rap tout le temps. On est ensemble, les frérots. Ouais, ensemble. Envoyez la force et tout. Et pour 2019, on est là. Et vous êtes même pas prêts. Vous êtes pas prêts. 2020, vous êtes pas prêts. Bah, c'est nous, ça. C'est non, mais voilà. Roberto et moi. Voilà. Et du coup, merci pour ça. Écoute, pas de problème. Parce que même partir à Tokyo avec d'autres personnes, ça aurait pu être tout aussi bien. Mais en tout cas, avec toi, c'était excellent. On s'est beaucoup amusé. Qu'est-ce qu'on a mangé ? Oh là là. Mec, en vrai, on a pris du poids à Tokyo. Je sais pas si tu te souviens. Hein. Oui. Mais en deux semaines, on ramène. C'est incroyable. Et c'était vraiment un bon moment. Alors que c'était donc, pas super bon, mais... Ok. Enfin, par rapport à la... Après, quelque à la gastronomie française, quelque part, c'est, je t'emmerde. C'est pas mais... je le baise. Alors, après, bon, sur le coup, enfin bref, c'était bon, mais pas. Bref, j'annule tout ce que je le retiens. Tout ce que j'ai dit, je le retiens. Non, c'était voilà. Bien, enfin, c'est vraiment bien. Par contre, sur la nourriture, c'est de ouf, mais. Tu ridiculises toute ta famille et tes ancêtres. Faux, là, c'est faux, impossible. ils ont tellement de sex appeal. Je sors de chez toi directement. Non, voilà, en tout cas, merci d'être mon ami. Oui, bah, merci à toi. Si je peux te faire un câlin, peut-être. Bien sûr, le frère que je n'ai jamais eu, ça fait plaisir. Donc merci et surtout change pas, continue d'évoluer dans la bonne direction, car étant une personne qui déteste les gens, je fais attention à ça, tu vois, les gens qui évoluent bien. Et toi, bam, t'es à 200% sur l'autoroute du bonheur. Je suis là. Sur le droit chemin. Que du plaisir. Merci beaucoup. Que du plaisir. Bah merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que... Mais attends, 2019 j'espère... pour toi. Pour un moi, petit peu tes résolutions oui, et tout, oui, on a parlé oui, de tout ça. Et calme-toi. Hein. Alors j'espère énormément faire de l'argent avec Trueplug parce t'as que raison, bon, c'est le principal sujet. Non, j'espère énormément pouvoir faire de l'argent avec ce que j'aime faire le plus. Bien sûr. Et tu le mérites. Merci. Par rapport et à tes compétences. Parce que si je le veux, là, faire de l'argent, c'est pas compliqué. C'est vraiment un des mensonges de ce monde. Croire que faire de l'argent, c'est compliqué. Non. Alors franchement, vrai, c'est par rapport pas à ce que je sais faire de l'argent, c'est pas compliqué. Mais faire de l'argent par rapport à ce que j'aime faire. Voilà, il y a des compromis à faire. Dur. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Bien sûr. Et voilà, j'aimerais essayer de... N'oubliez pas d'ailleurs par rapport à ça, la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc pensez long terme. Peut-être que ce que vous faites à l'heure actuelle, ça ne paye pas, mais peut-être que dans 2-3 ans, ça payera. Peut-être que dans 10 ans, ça payera. Pensez à ça, vraiment juste. C'est vraiment, vraiment important. Voilà, donc j'aimerais ça. J'aimerais vraiment que les projets que j'ai en cours avec toi, avec Lisa, voilà, soient pérennes. Ça se dit ? Et les projets soient pérennes, tout simplement. Ouais. Car sinon, le genre est. Alors, bon, j'ai pas envie de faire me un mettre. Débat. Voilà. Tout simplement. On est pas là-dessus. On est pas là. Mais bon, là, c'est grammaticalement, c'est faux. Hein, donc, merci. Grammaticalement, pardon. Soit les projets soient pérennes. Et j'aimerais aussi m'améliorer physiquement. Parce que mon but, au final, dans la vie, c'est de ressembler à un super-héros tel Spider-Man. C'est vraiment mon but. On l'embrasse, tu es connu pour ça maintenant, voilà. Si tu es certain. Je veux être Spider-Man. Si vous êtes une araignée radioactive, mordez-le. Non, si vous êtes Universal, engagez-moi. Est-ce que c'est une... Non, c'est plutôt Columbia, je crois. Hein. Columbia. C'est la Fox hein, qui a... Je crois j'en sais rien. Je crois que une c'est la grosse Fox. Entreprise. C'est... Embauchez-moi. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est la Fox et Sony qui se partagent les droits de Spider-Man. Voilà. Donc, envoie des CV, en fait, finalement. C'est vrai. Et peut-être inscris-toi à du... Ah oui, autre résolution, je vais faire 100%, c'est sûr et certain, je ne sais pas encore quand, mais du théâtre ou de l'improvisation en 2020. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Et toi, si tu veux devenir acteur, bah, peut-être fais-le aussi, en fait. Attends, ça reproche. Ah, bien sûr. Non, en fait, quand j'étais au collège, j'adorais ça. Enfin, dans le sens où ça me passionnait, je me disais, bah, ce serait trop cool les cours de théâtre. Mais il n'y en avait pas dans mon collège de village. Vous étiez 8 dans une classe, donc c'est compliqué. Attends, dans votre collège, vous étiez quoi? Alors, on était déjà français. On savait parler français. Dans votre collège, vous étiez combien? Non, en vrai, en toute franchise, je saurais pas dire. On était, je dirais, allez, il y avait entre 30 et 32 élèves par classe. Oui. Et pour 3e, 4e, 5e, 6e, putain, j'ai eu beaucoup de meufs. Attends, quoi? Non, bref, je dévie. J'étais en train de réfléchir, mais bref. Pour 3e, 4e, 5e, 6e, il y avait 4e 2, 4e 3, 4e 4. Je crois que ça allait jusqu'à 5. Donc on va dire 5 x 4, puisque 5 classes x 4 strates, donc 200. 5 x 4, 200. T'es sûr de ça? 20. 5 x 4, 200. Donc 200. Non, mais je croyais que t'allais me poser la question. 200 fois 3 personnes, on devait être allez, entre 600 et 700. Ouais. Bah, nous, on était 400, même pas. Ah ouais. Donc il y avait peu d'élèves pour le théâtre. Mais attends, finalement. Est-ce que c'est calculé selon tes formules à toi? Parce que quelqu'un s'est tronqué. Hein. Mais n'importe quoi. Vous étiez deux en fait. Hein. Non, il y avait le c'est faux. Toi, hein. Car un jour, on a fait une école de théâtre. Enfin, on a fait je me suis éteint. Non, on a fait un exercice de théâtre, un exercice de théâtre. Ouais. Et apparemment, j'étais très excellent. Impliqué. Bien excellent. Sûr. Impliqué. Est-ce que ça veut dire bon ou mauvais ça? Ça veut dire juste que t'étais présent et à fond. Quoi. Oui, j'étais présent et à fond et donc très bon. Non. Il y a plus de Kit Kat matcha. J'ai envie de me tuer. J'ai envie de partir. Arrête. Voilà. J'étais impliqué et bon dans ce que je faisais en théâtre au collège. Donc voilà. La baisse finalement. La baisse. Bah alors, par contre, j'avais très peu de copines à ce moment-là, hein. Voire zéro en fait. C'est pas franchement, c'est pas non plus. Enfin, on s'en bat les couilles en vrai. Moi non. Ah, la lumière... S'éteint. Putain, on a quand même vidé la batterie. J'ai plus assez d'argent pour payer. Il nous reste 1 minute 10. Donc, voilà. Tes résolutions en 20 secondes. Voilà, m'améliorer physiquement et faire en sorte que Trueblood devienne pérenne. Ok, c'est et tout. Pas d'ambition personnelle à part t'améliorer physiquement un truc? Parce que voilà. Là, honnêtement, t'as quand même bien glow up par rapport. Oui, à... clairement, oui, j'ai glow up, mais j'ai envie de faire mieux que ça parce que j'en suis capable et je suis très très accroché. Attention, il reste 30 secondes. On on m'a très facilement par rapport au. Hey, ce soir en pizza, oui. Je comprends. D'ailleurs, pizza dans 10 minutes. Alors voilà. Donc, mais putain. Hop. L'épisode bourré, c'est quand même un truc. Voilà, donc prenez soin de vous. Est-ce que ça part un jour? Voilà, ouf. Voilà, prenez soin de vous. Tiens, donne-moi un. Mon ami, un petit cheers. Vous, c'est le plus important. Voilà, prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Joyeux nouvel an. Voilà. Bonne année. Bonne année 2020. Prenez soin de vous. C'est le plus important. On le répétera jamais assez, mais il n'y a rien de plus important que ça. Que prendre soin de soi. Prendre soin de soi, parce que si on prend pas de soin de soi... Sur le plan professionnel et sur le plan personnel, sur tous les plans, vous méritez le meilleur. Oui. Si vous nous écoutez et que vous êtes des fans assidus de la bonne franquette, vous êtes forcément... Un jour, hein. Ouais, voilà, vous êtes forcément des bonnes personnes. Mais on va s'arrêter dès que c'est terminé. Mais bref, voilà. Prenez soin. Bisous à tous. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et à la prochaine.